pardon, il vient vous demander pardon pour tous les hommes qui n'ont jamais appris le verbe aimer, ils n'ont jamais compris la force de l'amour, la beauté. Dream.